Jean Bosco, Douimane. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. 5 enfants ont rendu leur âme, mais 2 autres, tous d'une même famille, ont été grièvement blessés la nuit dernière en province de Cibitoke suite à la destruction de la maison familiale causée par des pluies diluviennes qui ont également détruit une centaine de maisons dans la zone de Boutelele. Un site d'hébergement temporaire des populations sinistrées est en préparation, nous dira le chef de cette zone, alors qu'un militaire est également mort emporté par des eaux de ruissellement en zone Kinama de la commune urbaine de Nahangwa. Certains députés de l'Assemblée de la Communauté des Pays de l'Afrique de l'Est soutiennent que le Burundi soit traduit en justice pour n'avoir pas payé ses arriérés qu'elle doit à la Communauté de l'Afrique de l'Est. La ministre en charge de ces questions reste sereine en disant que l'EIALA n'est pas compétente pour prendre des sanctions contre les pays membres. Nous reviendrons également sur certaines réponses aux questions posées ce vendredi aux porte-parole de différentes institutions de la République. C'était au cours d'une conférence qu'ils ont donnée à Makamba. Ces questions concernent notamment la pénurie du sucre, la réouverture de la radio Bonesha FM, ainsi que les relations entre le Burundi et la Belgique. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. 5 enfants sont morts et 2 autres de la même famille ont été grièvement blessés la nuit dernière en province de Cibitoke suite à la destruction de la maison familiale causée par des pluies diluviennes. Cet incident est survenu sur la colline Gafumbegeti, zone Butana de la commune Mabayi. L'administrateur de cette commune indique que ces fortes pluies ont également détruit des cultures vivrières ainsi que des maisons. Pascal Vassaburguzouye a été joint au téléphone par Evariste Nzikobanyanga. Oui, dans notre commune de Mabayi, c'est la colline. Cette nuit, il y a eu une pluie torrentielle qui a causé beaucoup de dégâts. Il y a une famille qui était dans la maison. Et puis, à cause de cette pluie, cette famille a perdu 5 enfants. Et des autres sont pour le moment à l'hôpital. À part ces personnes qui sont mortes, il n'y a pas eu d'autres dégâts. Il y a eu des champs, des bananes, des maïs qui ont été endommagés par cette pluie. Et aussi, il y a des maisons qui ont été détruites. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les familles qui ont été touchées par ces intempéries? Nous comptons d'abord aider cette famille qui a perdu 5 enfants. Comment enterrer ces enfants? Et plus de 100 maisons d'habitation ont été ravagées par une pluie torrentielle de la soirée de ce jeudi. Le chef de zone Wouterere fait savoir qu'un site d'hébergement temporaire des populations éprouvées est en cours de préparation dans la même zone de la mairie de Bujumbura. Ernest Ndouimana demande au gouvernement et aux bienfaiteurs de venir en aide à ces populations. Il a été joint au téléphone par Alain Désiré Boukeyenez. Comme les dégâts, on a pu enregistrer une centaine de maisons qui ont été détruites. Il y a d'autres maisons qui ont été inondées, mais pas après, je vois que si quelques heures, elles aussi peuvent tomber. Donc, dans des situations qui est vraiment très décorable. Pour ma population, se trouve à côté de chez elle, dans leur quartier. Et la salle d'intervention de l'administration et de la protection civile, nous avons préparé une réunion, justement pour voir comment faire pour que ces familles qui n'ont pas où elles peuvent loger aujourd'hui. Pour le moment, on est en train de chercher l'endroit où on peut les mettre. Je demande au gouvernement et aux autres bienfaiteurs pour qu'ils puissent nous venir en aide, parce que jusqu'à maintenant, nous avons ces familles, pour le moment, ne vont pas là où elles vont se loger aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si rien n'est fait, elles peuvent dormir à la Béricoire. Donc, je demande aux bienfaiteurs qu'ils fassent quelque chose concernant les couvertures, les matelas, parce que beaucoup de ces maisons, les matelas de cuisine ont été emportés par ces pluies. C'est un problème très sérieux. Ils n'ont pas là où ils peuvent se loger. En plus, ils n'ont pas les matelas de cuisine, ainsi que les couvertures, les matelas. Toujours au chapitre de ces intempéries, un militaire est mort emporté par des eaux de ruissellement en zone Kinama de la commune urbaine de Nahangwa. Son corps a été retrouvé ce matin dans le quartier Bukirasazi de la même zone. Selon le chef de quartier Bukirasazi 2, Pascal Manelunga, L'inondation provoquée par les eaux de ruissellement ont détruit 15 maisons dans le quartier Oukilasazi 2 et ont endommagé plusieurs biens. Il fait savoir que l'inondation répétitive de ce quartier est due au débordement de la rivière Gassegni. Il indique que la solution à ce problème proviendrait du traçage des caniveaux dans ce quartier qui reçoit les eaux en provenance d'autres quartiers de la zone Kinama. Au quartier Tcharama 2, maisons ont été détruites par ces inondations et le chef de quartier Nizi Guimana Alexis fait savoir que d'autres peuvent s'écrouler d'un moment à l'autre. Il est 13h02 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit, certains députés de l'EALA soutiennent que le Burundi soit traduit en justice pour n'avoir pas payé ses arriérés qu'elle doit à la communauté de l'Afrique de l'Est. En marge de la session de l'Assemblée des pays de la communauté qui se tient à Kigali, ces députés ont dit que certains pays tardent à s'acquitter de leur contribution alors que l'Ouganda a déjà payé 91% de sa contribution pour l'année en cours. On fait le point avec Aubin Niyonkuru. L'Ouganda est le seul pays qui a déjà payé 91% de sa contribution pour l'année en cours, soit plus de 7 millions de dollars. La contribution annuelle pour chaque pays étant de plus de 8 millions de dollars américains. Le Kenya est classé deuxième, suivi par le Rwanda et la Tanzanie. Celle-ci a déjà payé 30% de sa contribution, soit plus de 2 millions de dollars. Certains de ces députés de l'EALA pensent que les pays qui traînent à s'acquitter de leurs arriérés devraient être traduits en justice. D'autres se demandent pourquoi la Tanzanie qui préside aujourd'hui cette communauté, avec son économie solide, n'a pas encore payé au moins 50% de ses obligations. Le président de l'EALA leur a indiqué qu'ils ne sont pas habilités à prendre des sanctions contre les États membres, mais que cette question peut être étudié à l'échelon supérieur. Merci Aubin Niyonkuru. Et le Burundi ne sera pas sanctionné même s'il n'a pas encore payé sa contribution annuelle dans la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est Léontine Nzeyimana qui le dit, c'est la ministre en charge de ces questions de l'Afrique de la communauté, qui souligne que l'EALA n'est pas compétente pour prendre des sanctions contre les pays membres. Elle annonce néanmoins que le Burundi va bientôt payer la première tranche de sa contribution de l'année en cours. Suivez-la. J'aimerais prendre cette occasion pour vous informer que nous avons déjà décaissé, signé un décaissement de 3 milliards et plus pour la première tranche de cette année. J'aimerais encore vous informer que le Burundi honore toujours ses engagements financiers. La raison d'être peut-être un peu derrière par rapport aux autres, c'est parce que, je l'ai toujours dit, nous commençons notre année budgétaire le 1er janvier, mais les autres commencent leur année budgétaire le 1er juillet. Pour dire que notre année fiscale commence un peu tardivement par rapport à l'autre. Maintenant, eux, ils sont en train de terminer l'année budgétaire 2017. Nous venons juste de commencer l'année 2017. Il y a un petit décalage par rapport au début de l'année budgétaire. Ça, ils le savent très bien. Mais pour question d'arriérés, tous les pays ont des arriérés. Il n'y a aucun pays qui a payé 100% de ses contributions. Donc, s'il faut des sanctions, ce sera des sanctions qui seront prises contre tous les pays membres de la communauté africaine, ce qui est impossible. Donc, j'aimerais prendre cette occasion pour vraiment vous rassurer qu'il n'y a pas de sanctions parce que le Burundi s'acquitte correctement et bientôt l'opération est au niveau de la Banque centrale. Donc, bientôt la somme va rentrer dans le compte de la communauté africaine. Léontine Nzeyimana. Et dans l'émission des porte-parole des institutions de la République qui vient de se tenir au chef-lieu de la province Makamba au sud du Burundi, il a été question entre autres de la hausse du prix du sucre, sur des relations entre Bujumbura et la Belgique, ainsi qu'une possible réouverture de la radio Bonesha FM. Pascal Nyoyamunze. La mesure la plus efficace est prise par le gouvernement du Burundi pour lutter contre la hausse incessante du prix du sucre par les commerçants et l'importation de ce produit pour amener ces derniers à stabiliser le prix. Philippe Nzobonariba, il est porte-parole du gouvernement. Le prix se stabilise si la quantité augmente. C'est pourquoi nous voulons faire recours à l'importation du sucre avant la production se visant de l'assaisonnement pour faire face à la spéculation. De là, celui qui tentera de vendre le sucre à 2500, alors qu'il y a un autre qui se vend à 2300, vous comprendrez que l'écoulement ne sera pas facile à celui de 2500. Lors de cette émission publique, le porte-parole du parquet général de la République a répondu sur la question d'ouverture des radios fermées en 2015. Agnès Wangirichenge indique que le dossier de la radio Bonesha FM sera bientôt clôturé. Ces dossiers ont été ouverts et des enquêtes sont en cours. On ne peut pas affirmer que des enquêtes peuvent s'étaler à 2 ans, mais si on se précipite, on risque de ne pas accoucher la vérité faute de preuves. Donc, la justice doit prendre un bon temps pour des enquêtes. Que la Bonesha patiente un peu, vous saurez bientôt la décision finale. À propos de cette question des radios encore fermées, le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba apporte un complément. Au niveau du gouvernement, nous avons recommandé à ces radios encore fermées. Certaines continuent à émettre depuis l'extérieur dans le pays que j'évoque. Je voudrais vous dire que cela retarde les revêtir du fait qu'ils sont entrés dans un pilier, le mal au mal. Nous ne savons pas les débouchés des poursuites judiciaires, mais les travaux ne sont pas une façon de faciliter la tâche. Philippe Nzobonariba est revenu sur les relations qui se sont détériorées entre le Burundi et ses bailleurs de fonds. Le porte-parole du gouvernement responsabilise le royaume de Belgique. C'est la Belgique avec la France qui ont convaincu d'autres pays de l'Union européenne croyant connaître la question du Burundi, parmi lesquels se trouvent les pays qui ne savaient pas le Burundi et qui ne connaissaient qu'un Burundais et non comme les autres. Après, nous avons appris que ces 28 pays qui ont imposé des sanctions contre le Burundi. Le porte-parole du gouvernement s'est également exprimé sur les décisions de renvoi de certains fonctionnaires des organisations internationales œuvrant au Burundi. Des enquêtes ont prouvé que les concernés étaient impliqués dans des actes de déstabilisation du pays, a indiqué Philippe Nzobonariba. Pascal Niyoyankunze, 13h, 8 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. D'autres nouvelles en bref. 2 personnes sont mortes ce jeudi soir dans un site d'exploitation d'or à Outihinda en province Muyinga. L'autorité locale parle d'un incident lié à un écroulement de terrain. Innocent Haringanji, administrateur de la commune Outihinda, conseille aux habitants de ne plus exploiter individuellement et anarchiquement les minerais, mais de s'associer dans des coopératives déjà fonctionnelles dans cette commune, conformément à la loi. Et un jeune garçon de 16 ans a été grièvement blessé cette nuit par des éclats de grenades lancés dans sa chambre. C'est sur la colline Kiviziru, en commune et province Bubanza. Il s'agit d'un malfaiteur qui a lancé cet engin dans la maison après avoir défoncé la fenêtre. La victime, qui se trouve dans un état critique, a été évacuée à l'hôpital. Un suspect a déjà été arrêté. Et un certain Marégin Sabé Célestin, connu sous l'autre briquet de Kigongo, qui était détenu au cachot de la police à Gihanga pour complicité dans l'enlèvement d'un homme la nuit de lundi, a été transféré à Bujumbura ce jeudi à bord d'une camionnette du service national de renseignement. 2 filles qui étaient détenues avec lui pour le même dossier ont été relâchées. Transférer également dont Saint-Guillaume va Daniel vers le service national de renseignement à Bujumbura. Des sources de sa famille disent que c'est un certain Daikenguru qui est Emmanuel, alias Nkoroka, qui a effectué ce transfert. Son jeune employé de Kokash avait été arrêté par le service national de renseignement à Rumonge l'après-midi de mercredi pour faux et usage de faux. Enfin, la somme de 850 000 francs burundais qui était nécessaire pour évacuer le tout petit Igirubuntu Thierry vers la France en date du 18 avril 2017 est déjà réunie. Igirubuntu Thierry, originaire de Butavuk en commune Rugazi et de la province Bubanza, a une tumeur du front au nez avec tendance à boucher les yeux et les narines. La famille ainsi que l'organisation Bon Samaritain remercient de tout cœur toute âme ayant été touchée par l'appel à contribution lancé sur cette même antenne d'Isanganiro. Igirubuntu Thierry est ainsi le 142e enfant soigné à l'étranger par le Bon Samaritain, fait soigner par à l'étranger par l'organisation Le Bon Samaritain. 13h11 minutes à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer.